C'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est sa vie, c'est sa vie, c'est nos vies, c'est nos vies, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est nos vies, c'est nos vies, c'est sa vie, c'est sa vie, c'est nos vies, c'est nos vies, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est sa vie, c'est sa vie, c'est nos vies, c'est ma vie, c'est nos vies, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est nos vies. Rappelle-toi de tous ces souvenirs, tous ces souvenirs. Rappelle-toi de tous ces sourires, tous ces sourires. N'oublie pas tout ce que tu vois, que tu vois. N'oublie pas à qui tu le dois. Rappelle-toi de tous ces souvenirs, de tous ces souvenirs. Rappelle-toi de tous ces sourires, de tous ces sourires. N'oublie pas tout ce que tu vois, tout ce que tu vois. N'oublie pas à qui tu le dois, à qui tu le dois. Quand j'étais petit, j'étais pas bavard. La musique m'a paru à l'époque du bavoir. Une famille unie, un père absent, un frère solitaire, mais une sœur solidaire. Un père impardonnable, l'argent ne peut pas pardonner. Y'a que l'amour que mon père ne pourra pas me donner. J'ai plus envie d'attendre patiemment. Ça va savoir que le rap colle à la peau comme un frère siamois. Mais qui sait ce que la vie réserve au tournant? La musique une tournante, à force j'en ai le tournis. Mais qui sait qui peut tenter la vie? Quand tu sais qu'une clope ouais, peut t'ôter la vie. Mais n'oublie pas que t'es comme tout le monde. Et qu'un jour tu disparaîtras, ouais, comme tout ton. Mais qui je suis à part une voix dans ton MP3? Mais d'où je suis, une baraque ou un petit F3? Rappelle-toi de tous ces souvenirs, de tous ces souvenirs. Rappelle-toi de tous ces sourires, de tous ces sourires. N'oublie pas tout ce que tu vois, tout ce que tu vois. N'oublie pas à qui tu le dois, à qui tu le dois. Rappelle-toi de tous ces souvenirs, de tous ces souvenirs. Rappelle-toi de tous ces sourires, de tous ces sourires. N'oublie pas tout ce que tu vois, tout ce que tu vois. N'oublie pas à qui tu le dois, à qui tu le dois. Un solitaire malgré tout solidaire. J'ai grandi dans la rue, ouais, j'en ai pas mal vu. Je décris ma vie, celle d'un mec endurci. Y'a plus que les rimes qui restent minimes. Un tireur de cap, trop souvent traité d'incapable. L'expérience fait réfléchir à comment tu pourrais finir. Tu veux savoir ce que j'en pense, alors viens m'ouvrir la panse. Alors viens m'ouvrir la panse. Et s'il est du monde, je reste loin de toutes ces blondes. Tu veux connaître mon mystère, cherche pas, y'a rien à faire. Déjà tout petit, on m'interrogeait, mais moi j'encaissais. Maintenant je relâche tout, prépare-toi, ça va te rentrer par tous les trous. Eh, hey, t'es yes, pourquoi t'as le regard aussi froid? Tout simplement parce qu'on me regarde comme si je venais d'une autre planète. Alors ça bavarde en me prenant la tête. Rappelle-toi de tous ces souvenirs, de tous ces souvenirs. Rappelle-toi de tous ces sourires, de tous ces sourires. N'oublie pas tout ce que tu vois, ce que tu vois. N'oublie pas à qui tu le dois, à qui tu le dois. Rappelle-toi de tous ces souvenirs, de tous ces souvenirs. Rappelle-toi de tous ces sourires, de tous ces sourires. N'oublie pas tout ce que tu vois, ce que tu vois. N'oublie pas à qui tu le dois, à qui tu le dois. Rappelle-toi tous ces bons délires. Rappelle-toi que la vie n'est pas qu'un déluge. Rappelle-toi que la mort prend la vie, mais que l'amour, elle, donne un sens à l'avenir. Rappelle-toi de cette belle époque où l'amitié était réciproque. Rappelle-toi de tous ces souvenirs de notre tête sans jamais partir. Rappelle-toi d'appeler un ami, n'oublie pas son décès, tous ses cœurs brisés. Rappelle-moi où va la vie lorsque tout est fini, lorsque tout est fini. Rappelle-toi de tous ces souvenirs, rappelle-toi de tous ces sourires. N'oublie pas tout ce que tu vois, n'oublie pas à qui tu le dois. Dédicace à ma mère et à mon père, dédicace à ma sœur et à mon frère. Dédicace à mon ami Thierry, dédicace à mon groupe et tout ce qui nous unit. Dédicace à tous ceux qui nous écoutent, dédicace à tous ceux qui nous écrit. Dédicace à toi, à lui, 68.0, c'est l'oxygène zéro.